marche droit comme un virage. Elle a les deux pieds grands comme des barges, la Claudia. Dans sa bouche c'est comme du grillage, avec son nez aux narines trop large, la chou-fleur. Claudia Chou-fleur, c'est comme ça qu'il appelle. Dans son village au bord de la montagne, elle vend des fleurs qui se moquent d'elle. Elle est si naze, la pauvre fillette. Elle fait peur à tous les chats errants. Elle sent la sueur des pas la lavande, la Claudia. Claudia Chou-fleur, c'est comme ça qu'il l'appelle. Dans son village au bord de la montagne, elle vend des fleurs qui se moquent d'elle. Elle est si naze, la pauvre fillette. Se moque d'elle, elle est si naze, la pauvre fillette.